du Laboratoire central que Mike Jacob publia en 1921, voici trois autres poèmes. Il se peut. Il se peut qu'un rêve étrange vous ait occupé ce soir. Vous avez cru voir un ange, et c'était votre miroir. Dans sa fuite, Éléonore a défait ses longs cheveux pour dérober à l'aurore le doux objet de mes vœux. À quelque mari fidèle, il ne faudra plus penser. Je suis amant, j'ai des ailes, je vous apprends à voler. Que la muse du mensonge apporte au bout de vos doigts ce dédain qui n'est qu'un songe du berger plus fier qu'un roi.